même plus de centre indique le chemin à suivre. L'air indécis, mais le choix est scellé. Choisir entre un dessin d'enfant ou une croyance tachée par le sang. Mon cœur est comme un aimant qui est attiré par le tien, même si t'es loin. À l'heure où la femme est comme un bel objet, moi je suis en train de t'idéaliser, te sanctifier. Je te prie tous les soirs pour que notre union soit exaucée. Je me suis réincarné des millions de fois. Je me souviendrai de celle où je t'ai rencontré toi. Si tu étais la mort, je larguerais allègrement la vie. J'aurais pu tuer pour toi, trahir mes amis, renier ma famille. Je fais en sorte que mon écho se vautre, car le vrai bonheur c'est de subsister pour l'autre. Je ne vis qu'à travers le couple. Sans toi, je n'aborde rien de manière souple. Et si l'amour était une loi, pour toi, j'ai fait un délit pour que tu m'emprisonnes dans tes bras. Ajuster mes faits et gestes à ton humeur, même torturé, je me sens meilleur. Tu es la deuxième femme à m'avoir fait. Parle-moi, même si tu m'insultes, s'il te plaît. Prouve-moi que j'existe. C'est un tremblement de cœur de 5,6 à l'échelle de Richter. Prends mon cœur, le voilà. N'en fais pas une bouchée, ce n'est pas une fraise d'Agatha. Je l'ai ouvert mon cœur, fracturé par ton image. Une ombre teintée par le coucher du soleil. Ton regard austère rend docile la tempête, la foudre et le tonnerre. Mon cœur, tu l'as écrasé comme un vulgaire insecte sous la semelle de l'indifférence. J'ai perdu ma dignité, versé des larmes et embrassé tes pieds. Une aliénation qui permet d'éprouver un amour fort pour un bourreau bourré d'orgueil. Je garderai un de tes cheveux, tu l'as perdu en te coiffant. C'est un porte-bonheur, je l'aurai sur moi constamment. Avoir le choix entre l'isolement ou être incarcéré amoureusement. Toi qui es ulcéré par autant de dévotion, tu te demandes qui je suis, non? Mon nom est amour, mon prénom soumission. Mon nom est amour, mon prénom soumission. Mon nom est amour, mon prénom soumission.